Je vais partir du paradoxe qu'on avait vu hier lors de la discussion avec Gisèle Sapiro sur le fait que cette mondialisation comme discours et comme notion apparaît à un moment en fait, où les États s'emparent de cette notion et la politisent, alors qu'en fait c'est un discours, une notion qui semble menacer les États. Donc d'un côté il y a cette rhétorique le terme naît dans les années 80, une rhétorique de l'ouverture des frontières, une rhétorique des flux, de l'affaiblissement des frontières, qui vient en fait du monde de la finance, et qui est bien identifiée par les chercheurs en sciences sociales comme quelque chose de l'ordre de la rhétorique, du discours. On retrouve cette idée chez Flickstein, chez Le Baron, chez Armand Matlard. Discours qui cache des rapports de force, c'est ce que Gisèle Sapiro expliquait hier, c'est ce que Bourdieu disait en parlant de politique de mondialisation. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que les États s'emparent de cette notion de mondialisation et mettent en place les pouvoirs publics s'emparent de cette mondialisation et en font un objet de politique publique. Et ça a été ce grand débat classique entre État et mondialisation. Est-ce que la mondialisation menace les États? Comment les États s'insèrent dans la mondialisation? Et du coup, c'est cette problématique, ce paradoxe que je voulais questionner dans ma thèse, puisque c'est mon terrain de doctorat que je présente ici, avec des outils de sociologie politique. Donc l'idée, c'était d'aborder concrètement cette question avec des outils de ma discipline. Alors, je vais vous expliquer un peu comment j'ai construit mon objet et comment j'ai construit mon objet autour de cette problématique. Une des grandes dimensions du discours de la mondialisation dans les années 80, avec le discours sur la mondialisation notamment des marchés financiers, puisque d'ailleurs le terme vient de là, c'est la mondialisation des images. En fait, elle accompagne des innovations en fait, qui naissent dans les années 70-80 et qui sont l'apparition de la télévision satellitaire et donc la possibilité de diffuser des images partout dans le monde en passant par les satellites et en relayant les signaux par des systèmes de câbles, voire hertziens. Et donc on voit apparaître dans ces années 80-90 toute une série de télévisions transnationales. La première, c'est CNN, au début des années 80, mais depuis 25 ans, 30 ans, il y a toute une série de télévisions transnationales qui naissent, donc BBC World, Deutsche Welle, MTV, Al Jazeera à la fin des années 90, TV5 qui est la première télévision française transnationale créée en 84, Euronews, Eurosport, etc. Et c'est un élément clé, cette mondialisation des images, c'est un élément clé de la façon dont les sciences sociales ont aussi importé le terme de mondialisation, puisque chez Apadurai, on retrouve une articulation très forte entre cette mondialisation des images, il parle de médiascape, de paysage des médias, articulation avec les flux de personnes, ce qu'il appelle ethnoscape. Il réfléchit beaucoup sur cette articulation entre justement des migrants, des communautés de migrants et les images qu'ils regardent et les flux d'images. On le retrouve aussi chez les chercheurs en communication qui se posent beaucoup ces questions-là à ce moment-là. On le retrouve chez tous les chercheurs en cultural studies qui réfléchissent on en parlait hier, les notions d'hybridité, de mélange. Elles sont beaucoup pensées à partir des études de réception des images des images elles-mêmes. Et d'ailleurs, je vais juste mentionner ici cette approche de Diana Crane qui pense la mondialisation culturelle, qui définit quatre approches possibles de la mondialisation culturelle. Alors, elle dit qu'il y a une première approche en termes d'impérialisme culturel, on en a un peu parlé hier aussi. Il y a une deuxième approche en termes de flux. Il y a une troisième approche en termes de réception. Et il y a une quatrième approche qu'elle rajoute en termes, qui l'intéresse beaucoup d'ailleurs, en termes de stratégie étatique, de stratégie des États pour promouvoir des images nationales, pour promouvoir une image nationale. Il y a un certain nombre de chercheurs qui ont travaillé là-dessus, c'est Iwabushi sur le Japon, ce qu'on appelle tout le J-pop, enfin J-pop, toutes les images japonaises, manga, dessins animés, etc. C'est en Grande-Bretagne tout ce truc qu'on appelle Cool Britannia, donc faire apparaître la. Enfin voilà. Et donc, du coup, c'est quelque chose sur quoi j'ai travaillé, sur ce rôle des États et sur les stratégies étatiques dans la mondialisation culturelle. Alors, ma stratégie, ça a été de partir d'un exemple, sur un sujet aussi vaste que ça, de partir avec la volonté de saisir des choses concrètes, avec des outils sociologiques, donc de partir des acteurs français, de l'exemple français, où cette question de la mondialisation des images a été une question très sensible et où je pense qu'il y a eu une appropriation de cette question de la mondialisation culturelle et des images en particulier de façon très singulière. Il y a eu un investissement très fort qui est bien connu de la France dans les enceintes internationales et notamment à l'UNESCO pour défendre d'abord l'exception culturelle, ensuite la diversité culturelle, mais aussi au sein de l'Union européenne, au sein du programme MEDIA, pour favoriser les circulations intra-européennes, la création de programmes européens, la création de télévisions européennes, etc. La création d'un réseau de cinéma, d'art et d'essai européens. Et en fait, autre chose importante en France, c'est cette importance de la diplomatie culturelle, importance historique, puisque la France a développé très tôt un réseau de diplomates culturels. On parlait hier du service, alors il s'appelait Service d'action des œuvres culturelles, avant, en pleine Première Guerre mondiale, la création d'attachés culturels très tôt, d'un réseau d'attachés culturels sur le modèle des attachés financiers ou des attachés militaires. Donc il y a cette réflexion très tôt sur on crée des attachés culturels, la création très ancienne des alliances françaises et des instituts français. Et du coup, dans ce contexte d'appropriation par la France de cette question de la mondialisation des images, dans ce contexte de diplomatie, de rayonnement culturel de la France, la question de la mondialisation des images a été, pour les pouvoirs publics, un problème, voire une obsession, depuis le début des années 80. Donc du coup, depuis les années 80, la France a mis en place ce que les pouvoirs publics ont appelé une politique audiovisuelle extérieure, qui a été effectivement le sujet de mon doctorat. Dès les années 80, notamment le ministère des Affaires étrangères s'est emparé de cette question en mettant en place toute une série d'initiatives. Aider les télévisions transnationales, voire en créer, puisque TV5 est créé par un diplomate dans le cadre du ministère des Affaires étrangères, aider les exportations, aider les marchands d'images françaises, que ce soit de cinéma ou de télévision, à exporter, aider les chaînes transnationales privées et pas seulement publiques, créer un réseau diplomatique spécialisé dans l'audiovisuel, et donc c'est la création d'un réseau spécialisé d'attachés audiovisuels, cette fois sur le modèle des attachés culturels, au début des années 80, et sur lequel j'ai également travaillé, je vais y revenir. Dès les années 80, en France, il y a une multiplication, une accumulation des rapports sur la politique audiovisuelle extérieure qui viennent des parlementaires, qui viennent de personnalités extérieures au monde politique, qui viennent de l'exécutif, qui viennent de la Cour des comptes, de l'inspection des finances, etc. Donc il y a une obsession qui se lie même dans une sorte de graphomanie des pouvoirs publics sur cette question-là. Et depuis en fait 87, qui est le premier rapport sur la politique audiovisuelle extérieure, depuis 25 ans, en fait, tous ces rapports sont des sortes de redites du même thème. La politique audiovisuelle extérieure est incohérente. Et donc, du coup, depuis 25 ans, il y a une dénonciation par les pouvoirs publics du manque de lignes directrices de cette politique audiovisuelle extérieure, de la dispersion des moyens, de l'incohérence de cette politique qu'on retrouve aujourd'hui. Enfin, j'imagine que vous avez suivi dans les journaux tout ce qui se passe, mais c'est étonnant de voir à quel point les questions abordées à la fin des années 80 sont exactement les mêmes, et je vais expliquer un peu pourquoi. En fait, ce qui c'est, quand on aborde cette question de l'audiovisuel extérieur, on se rend compte avec les outils de la sociologie politique que cette obsession, qui est en fait une obsession un peu floue, puisque l'idée c'est de montrer des images de la France à l'étranger, vous voyez à quel point cette politique a un caractère flou, comment cette obsession a été saisie ou capturée par un certain nombre de groupes professionnels qui sont en fait disparates. Et du coup, je pense qu'on peut lire cette incohérence de la politique audiovisuelle extérieure à travers l'incohérence des groupes qui s'emparent, enfin, ou disons le fait que beaucoup de groupes différents, hétérogènes, s'emparent de la même obsession, ou du même terme, du même discours, du même idéal de politique audiovisuelle extérieure française. Et bon, plus généralement, du coup, donc, j'ai travaillé sur ces groupes d'acteurs et je vais y revenir. Mais du coup, l'idée, c'était de saisir à travers ce travail très concret, de suivi des acteurs, de suivi de trajectoires, etc., de saisir en fait cette question de la mondialisation de manière très concrète, avec des outils, entretiens, enfin, je reviendrai sur les méthodes, mais de saisir cette question en acte, quoi. Comment la mondialisation s'élabore, qui l'élabore, quel type de groupe, dans quel lieu, etc. Donc c'était vraiment l'idée derrière tout ça, c'était de définir dans le cadre d'une discipline très particulière, avec un exemple particulier qui était l'exemple français, la notion de mondialisation en sortant de grands débats ou de grands discours autour de ce terme. Alors, je vais parler des trois pistes en fait autour desquelles j'ai construit ce travail, qui en fait ont consisté à suivre trois groupes d'acteurs pour montrer comment ils se sont saisis différemment de cette politique. Alors, du coup, ça reprend un peu une sorte de tripartition à la Dumézil entre, d'un côté, les marchands, donc ceux qui vendent des images, les distributeurs internationaux, ensuite, ceux qui réfléchissent d'une certaine manière, les diplomates, ceux qui font de la veille et qui réfléchissent sur cette politique, donc les attachés audiovisuels, dont j'ai suivi le réseau, et enfin, les dirigeants de notamment de chaînes transnationales et aux fonctionnaires impliqués dans cette politique. Alors premièrement, je ne sais pas combien de temps, est-ce que j'ai toujours du mal à mesurer 15 minutes 7-8 minutes. Ah oui, d'accord. Okay. Bon, alors je vais aller plus vite que prévu. Alors d'abord les marchands. Donc du coup, le contexte est dans les années 80, un double contexte, disons, pour la distribution internationale. Premier élément, c'est l'apparition de tout un tas de nouvelles formations audiovisuelles. La télé se développe énormément dans les années 80, notamment elle se privatise, puisqu'elle était publique jusque-là. Il y a tout un tas de formations qui se mettent en place, à Paris 1 avec un DESS spécialisé, le DESS de Sabatier, qui est à Dauphine, dans les écoles de commerce, à Sciences Po, dans la FEMIS. Et donc il y a une arrivée sur le marché de tout un tas d'acteurs qui se sont spécialisés dans l'audiovisuel avec une formation juridico-commerciale. Donc premier élément. Deuxième élément, c'est qu'on a un peu vu ça avec hier pour le marché du livre, mais on retrouve exactement la même chose sur le marché de l'audiovisuel, une explosion des marchés internationaux. Donc, qui passe en 10 ans, en une décennie, qui double, triple leur nombre de personnes qui viennent sur les marchés internationaux d'images. Alors, il y a historiquement en cinéma trois, quatre grands marchés internationaux de cinéma, et en télévision trois grands marchés internationaux. Cinéma, ça va être le plus grand, c'est le marché international du film, en parallèle du festival. Il y a un marché à Berlin, un marché à Toronto et un autre marché américain qui s'appelle American Film Market. En télévision, il y a trois grands marchés, deux sont à Cannes, le MIP COM en octobre et le MIP TV en avril. Et il y en a un qui est itinérant, enfin qui change de ville chaque année, aux États-Unis, qui a un peu perdu de la vitesse au début des années 2000. Mais en gros, tous ces marchés internationaux regroupent, et du coup c'est intéressant sur cette notion de point de passage qu'on a évoqué, tous ces marchés internationaux regroupent environ 10 000 personnes. Donc, c'est des marchés qui existent depuis très longtemps, années 60 pour la télévision, le marché du film existe aussi depuis longtemps, mais ils se développent énormément dans les années 90, et par ailleurs, il y a tout un réseau de marchés régionaux qui se développent à ce moment-là aussi, en Asie, en Europe de l'Est, en Afrique, au Moyen-Orient, et donc qui accompagne une expansion des marchés internationaux. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les entretiens que je fais avec les marchands, on voit un clivage générationnel très net entre la génération d'avant qui s'est formée un peu sur le tas à l'international et une génération des années 90 qui se professionnalise. On parlait de professionnalisation et d'internationalisation dans le monde de l'édition, mais c'est très net, il y a un clivage générationnel avec une professionnalisation très forte dans les années 90 de ceux qui vont vendre des images françaises ou acheter des images étrangères sur ces marchés internationaux. Et en fait, dans les années 90, ces deux espaces, cinéma et télévision, vont être très actifs auprès des pouvoirs publics pour du coup, se saisir de cet objectif de politique audiovisuelle extérieure, mais vont mettre en place des structures ou les faire monter en puissance pour récupérer de l'argent, pour se faire soutenir par les pouvoirs publics, pour financer des associations représentatives. Donc ça va être notamment TVFI pour la télévision qui se crée au début des années 90, ou Unifrance pour le cinéma qui se développe énormément avec la figure de Toscan Duplantier à sa tête dans les années 90. Donc je vais juste expliquer un peu la méthodologie, parce que c'est ça qui est important, sur comment est-ce qu'on appréhende ces marchands. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai d'abord fait des entretiens avec eux, et ensuite je les ai suivis sur les marchés internationaux, puisque l'idée en fait, de départ, c'était quand même, il y a deux marchés, les deux plus gros marchés internationaux de cinéma et de télévision sont à Cannes. C'est pratique. Donc l'idée c'était d'accéder à ces marchés, de voir comment ils étaient organisés et de les suivre en rendez-vous commerciaux. Donc, c'est ce que j'ai fait, entretien et ensuite suivi des rendez-vous pour voir comment ils vendaient des images, où est-ce qu'ils étaient. Enfin, la géographie de ces marchés est très importante, je ne peux pas m'étendre, mais enfin, Gustavo, enfin, on retrouve des logiques très similaires aux foires du livre sur les marchés d'images. Deuxième groupe, les attachés audiovisuels, c'est un corps qui est créé en 1984 pour accompagner en fait la création des télévisions transnationales et puis aussi avec l'idée d'avoir un travail de veille, avec l'idée d'importer toutes ces nouvelles techniques des États-Unis. Donc les premiers attachés audiovisuels sont envoyés aux États-Unis, formés aux États-Unis, et avec l'idée d'aider les distributeurs à promouvoir les images françaises, etc. Et ils sont créés sur ce modèle de l'attaché culturel, de l'attaché militaire, et du coup il y a l'idée de créer un corps, effectivement. Ce qui est intéressant pour ces attachés, c'est que c'est la façon dont ils ont été recrutés. Traditionnellement, la diplomatie culturelle, elle s'appuyait sur un réseau de professeurs ou de gens venus du monde de l'éducation nationale, et en fait l'idée pour les attachés audiovisuels, ça va être de recruter des professionnels. Alors, au départ, ils sont recrutés après des expériences professionnelles, et du coup, là, je pense qu'il faut que j'aille vite. Mais ce qui va se passer, qui est très intéressant, je pense que du coup, ça correspond aussi à un moment de réflexion dans la bureaucratie française sur ce qu'on appelle le New Public Management, et sur l'idée qu'il faut que le public et le privé commencent à... Enfin, que le public commence à s'inspirer du privé. Et du coup, c'est une manière pour un ministère qui est très très loin des objectifs ou des instruments de ce type de New Public Management qui sont comptés, évalués, etc. Enfin, quand la diplomatie culturelle, ça ne s'évalue pas vraiment, c'est du qualitatif. Et du coup, ça va être une manière d'importer des choses venues du privé, d'importer des méthodes du privé, de recruter des gens et de les recruter de manière temporaire, ce qui est ça qui est intéressant. Ils sont tous recrutés comme contractuels, avec 6 ans maximum dans la diplomatie comme attaché audiovisuel. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont recruter des professionnels. Ces professionnels peuvent rester que 6 ans et doivent repartir dans le privé. Et du coup, en fait, ces attachés audiovisuels vont construire... En fait, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir un problème de non-reconnaissance à la fois dans les mondes des ambassades, par les ambassadeurs qui ont du mal à reconnaître leurs valeurs ou leur travail, et à la fois quand ils repartent dans le monde privé, par le monde privé qui ne comprend pas ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont notamment... leur travail est largement invisible. Et du coup, en fait, ces attachés audiovisuels vont construire des carrières semi-publiques dans toutes les organisations et ce qu'on appelle les opérateurs avec qui ils ont travaillé comme attachés audiovisuels et qui vont être Unifrance pour le cinéma, TVFI pour la télévision, le CNC avec qui ils travaillent, les télévisions transnationales, CFI, TV5, France 24, etc. Et du coup, une fois que ce réseau du coup, a construit ce type de carrière, depuis ces opérateurs, ils vont défendre ce réseau des attachés audiovisuels qui a été constamment menacé depuis 10 ans. Et du coup, en fait, à partir de ce type de trajectoire ou de carrière professionnelle qu'ils ont construite, ils s'emparent en fait de cette, à leur tour de cette politique audiovisuelle extérieure pour défendre le réseau des attachés audiovisuels, défendre leur statut professionnel très particulier qui est à la frontière du public et du privé, défendre, il y a la création d'une association d'anciens attachés audiovisuels, Médiamonde, dans les années 2000. Il y a tout un travail justement de défense d'une identité, d'un corps, d'une certaine manière, de construction d'une profession singulière. Alors, comment j'ai, donc méthodologiquement, comment on travaille sur un réseau d'attachés, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas saisir le travail. Comme c'est un travail largement invisible, il y a Marc Loriol, un sociologue du travail, qui a travaillé sur les diplomates et qui a montré comment le travail des diplomates est largement un travail invisible. C'est encore plus clair pour les attachés audiovisuels. Et du coup, les entretiens sont difficiles. En fait, c'est difficile d'entretien de percevoir au quotidien le travail d'un attaché audiovisuel. Comme c'est un travail beaucoup d'invitations, de réponses, un travail très quotidien en fait. Et du coup, l'idée c'était de suivre en fait dans différents postes ce travail des attachés audiovisuels. Donc l'idée c'était de passer du temps à l'étranger pour faire des entretiens réguliers avec eux ou suivre leur travail pour voir comment ils travaillaient. Donc du coup, j'ai fait ça en Turquie pendant 6 mois, en Chine pendant 6 mois et après à New York pendant 3 ans. Où j'ai fait des entretiens réguliers avec les attachés audiovisuels en poste. Et par ailleurs, j'ai fait donc quand même un certain nombre d'entretiens. Et l'autre difficulté, c'était comment est-ce qu'on les voit, ces gens-là, parce qu'ils sont à l'étranger, en fait. Et en fait, ils reviennent tous à Cannes au moment du marché du film. Ils reviennent tous à ce moment-là. Et donc, c'est aussi un moment important, c'est-à-dire qu'en fait, tous les acteurs sur lesquels j'ai travaillé, ils se retrouvent à Cannes, en fait. Donc, du coup, c'est un lieu privilégié, un site privilégié pour observer tout ce qui se passe. Donc entretien à Cannes au moment du marché du film. Troisième groupe, je vais aller encore plus rapidement, c'est le groupe des hauts fonctionnaires. En fait, il y a un certain nombre de hauts fonctionnaires à partir des années 80 qui vont se saisir aussi de cette politique audiovisuelle extérieure et qui vont construire leur trajectoire autour de cette politique. Et qui vont se retrouver... Enfin, je vais juste prendre un... supprimer cette troisième partie et juste prendre un exemple. Par exemple, Marie-Christine Saragosse, qui vient d'être nommée à la tête de l'audiovisuel extérieur français pour remplacer Pouzillac. C'est quelqu'un qui est très proche de Patrick Imos, qui crée TV5 et le réseau des attachés audiovisuels au ministère des Affaires étrangères dans les années 80. C'est quelqu'un qui donc, est diplomate, qui est au ministère des Affaires étrangères, qui va travailler à TV5 pendant 15 ans, repartir au ministère des Affaires étrangères, revenir à TV5 sous pression des partenaires de TV5 qui sont les francophones, suisses, belges, et qui va être nommé par le CSA et la gauche à la tête là récemment de l'AEF, audiovisuel extérieur français, et donc de France 24. Typiquement, une carrière qui s'est construite autour de ça. Il y a un certain nombre de personnes, Jean-Paul Cluzel à la tête de RFI, à qui on demande un rapport sur l'audiovisuel extérieur encore cette année. Étienne Fiat, qui est maintenant à la tête de CFI, qui est un autre opérateur de l'audiovisuel extérieur, un certain nombre de hauts fonctionnaires comme ça qui s'emparent de cette politique, qui se retrouvent à la tête de ces télévisions, de ces opérateurs, et qui défendent cette politique. Donc là aussi, il y a un phénomène de capture. Et donc là, la méthodologie, c'est plutôt, du coup, par entretien, reconstituer l'histoire en fait, de ces dirigeants et de ces luttes, parce que c'est des luttes entre hauts fonctionnaires, très clivées politiquement, parce qu'il y a un phénomène de nomination à gauche et à droite, de lutte avec des professionnels, parce que les politiques ont parfois la tentation de nommer des professionnels à la place de hauts fonctionnaires. Et donc du coup, saisir sur 30 ans les luttes à l'intérieur de ce champ de dirigeants pour se saisir en fait, de cette politique. Alors, en conclusion, je voudrais juste... conclusion, parfait. Juste, qu'est-ce qu'il y a... Pour avoir une démarche un peu réflexive par rapport à toutes ces méthodes utilisées, c'est quand... les sciences sociales, les chercheurs en sciences sociales ont proposé plusieurs types de méthodes pour enquêter sur la mondialisation, qui sont très différentes les unes des autres. Il y a... on a parlé de Marcus tout à l'heure, qui proposait une ethnographie multisituée. Faire une ethnographie située, se déplacer de site en site. Il y a une autre approche qui est l'approche de Buravoy, qui est au contraire de privilégier des sites stratégiques de la mondialisation et de voir comment ils sont traversés par des flux, ou de voir comment on peut comprendre la mondialisation à partir de sites très particuliers. Et je dirais qu'il y a une troisième approche en termes de réseau, saisir des réseaux plutôt que des sites localisés, des systèmes de sites ou des sites localisés, et donc saisir un réseau dans son ensemble. Donc ça va être plutôt une approche type Anertz, qui travaille sur les correspondants de presse et sur le réseau des correspondants de presse, ou évidemment avec en arrière-fond le travail de Castells sur les flux et les réseaux. Et je dirais que du coup, en fait, en construisant mon objet de manière un peu en bricolant, du coup, j'ai emprunté à ces trois méthodes, en fait. Quand j'ai travaillé sur les marchands, du coup, je me suis retrouvé sur un site privilégié qui était les marchés internationaux. Et du coup, j'essaie de comprendre sur ces marchés internationaux comment ces intermédiaires se retrouvent, font circuler des choses, etc. Donc là, site stratégique. Quand je travaille sur les diplomates, on est typiquement dans du réseau, c'est saisir un réseau et du coup, essayer d'adapter la méthode à comment est-ce qu'on fait pour saisir un réseau. Et évidemment, et puis évidemment, j'emprunte à l'ethnographie multisité, parce que les sites, du coup, je me déplace de site en site, je me suis déplacé de site en site pour saisir un peu cette politique française à l'étranger.